22 chansons françaises de tous les temps et tous les autres. Bonjour, et bien vous êtes sur Radio Paget Nancy 94.2. Yves à la technique, assisté de Cazé, Daniel en votre compagnie pour présenter la cerise sur le canto. Un panorama de chansons françaises d'aujourd'hui, d'hier, d'avant-hier et même des tubes de demain. Alors, cette émission numéro 31 est une émission spéciale au cours de laquelle nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir les Scrabbleurs du club de Nancy. Alors, que nous soyons bien d'accord, ce ne sont pas les Scrabbleurs qui ont conçu la programmation de cette émission, c'est évident. Ils sont nos invités, nous les recevons avec le plus grand plaisir. Et si d'aventure quelque chose les hérisse quelque part, surtout ils ne manqueront pas de réagir. Bonjour Elisabeth, on va l'appeler Lily. Oui, c'est mon surnom. Bonjour Lily. Bonjour Yves, bonjour Cazé, bonjour à vous trois. Allez, alors après c'est Gérard. Bonjour Gérard. Bonjour, bonjour Cazé, bonjour Yves et toute l'assemblée autour de moi. Hein. D'accord, je dois être l'assemblée moi autour de toi. Ça me fait peur. On est quatre. Alors Lily qui s'est fait très belle aujourd'hui pour passer à la radio, magnifique. Gérard qui a fini par trouver le chemin de Fagette. Et Régis, bonjour Régis. Bonjour Daniel, bonjour Yves, bonjour Cazé, bonjour Lily et bonjour Gérard. Ça, j'ai oublié personne. Voilà, alors c'est marrant parce que je trouve Régis aujourd'hui, 35 ans après, puisqu'il y a 35 ans, il avait déjà un micro à 10 cm des lèvres. Voilà, Scrabble, avez-vous dit? Mais ça vous rappelle pas un sketch de Pierre Palmade? Allez, le Scrabble Pierre Palmade. Non, Liliane. Ox, ça n'existe pas. Oui, non, d'accord, ça t'aurait fait 30 points avec le mot contre triple, mais ça n'existe pas. Xo non plus, d'ailleurs. De toute façon, c'est sûr qu'avec ta gueule, on peut pas aller bien loin. Hein. Quoi? Mais non, je dis simplement que t'as mis gueule en travers du jeu et ça bloque tout le monde. Tu fais de l'anti-jeu, Liliane. À chaque fois, c'est la même chose. Bon, joue Alexandre. Qu'est-ce que t'attends? Il est comme ça, lui. Érection? Non, un solaire. T'en enlèves un. Comment tu connais ce mot, toi, d'abord? Comment il connaît ce mot, lui, d'abord? Eh ben, dis donc. À 11 ans, ça promet. Bon, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 pour Alexandre. Hein? Mon compte double? Bon, 22 pour Alexandre. Bon, ça va, tu veux qu'on ouvre une bouteille de champagne? Bon, allez à moi. Bon, déjà, j'ai que 6 lettres, c'est pas normal. Véro, passe-moi une lettre. D'accord, la prochaine fois, je la choisirai moi-même. Bon ça, il manque un M et un T, je faisais un super mot. Ah, c'est chiant. J'avais le M et le T et je faisais mijoter avec l'érection d'Alexandre. Pourquoi tu ris, toi? Ah oui, c'est vrai, t'es en plein âge bête. Ah oui, d'accord. Ah, une drôle d'odeur, et si vous trouvez pas, je sais pas, ça fait un petit moment. Ah bon, c'est pas grave. Oui, ça arrive, 2 minutes. T'as un train à prendre? C'est un jeu de réflexion. Alors moi, je réfléchis. Bon, et puisqu'on me presse, je fais le L, voilà, ça me fait 2 points. Bon, ça va, la partie n'est pas terminée. Hein. À toi, Véro. Égérie. Algérie. Égérie. Si, si, je sais ce que ça veut dire, si, si. Je l'emploie pas tous les jours, mais... Enfin, ben, ça va, t'as pas à nous faire un cours de français non plus, non? Ferais mieux d'essayer d'épater tes profs que tes parents. Rien, je veux rien dire. Compte tes points. À toi, Liliane. Liliane, on est là. Kawax. Tu peux nous rappeler la définition de Kawax, Liliane? Ah oui, non, d'accord, il y a de très belles lettres dans ton mot. Mais la deuxième condition au Scrabble, c'est que ça veut dire quelque chose. C'est chiant comme tout, je te l'accorde, mais ça rend la partie un tout petit peu plus intéressante. Kawax, ça n'existe pas, Liliane. Oui, tu l'as entendu, écoute, je sais pas. peut-être pendant nos vacances à Dakar. Ça veut peut-être dire quelle heure est-il en sénégalais, mais en tout cas en français ça veut rien dire du tout. Bon, alors fais voir tes lettres. Je triche pas, je l'aide. Votre pauvre mère, vous croyez que c'est drôle pour elle? Elle joue au Scrabble et finalement elle se rend compte qu'elle parle beaucoup mieux sénégalais que français. Oh, bah on peut rire un peu, non? Ah bah, elle le prend pas comme ça, qu'est-ce qu'il arrive? Mais on n'a pas dit que t'étais nul. Pourquoi tu te mets dans cet état-là? Les enfants, dites à votre mère qu'elle est pas nulle. Eh ben, dites-le. Toi, même les enfants le disent, alors. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va bien te retrouver avec ces lettres, hein? Eh ben, t'as... Eh ben, t'as Vaquer, W-A-K-E-R. Bien sûr que ça existe. Véronique, ta gueule. Vaquer, c'est du vieux français, déjà. Et ça veut dire... Ça désigne un objet. Qui n'existe plus, d'ailleurs. Mais le mot existe toujours, voilà. T'as jamais entendu l'expression « fier comme un vaquer » Non? Eh ben, écoute, ça fait rien. Mets ton mot, compte tes points, et Alexandre joue. Véro, on en est à combien? Toi, 180. Non. Alexandre, 80. Moi, 70. Moi et ta mère, 50. Mais tu vois, c'est génial, tu rattrapes tout le monde. Moi, par contre, j'ai moins qu'Alexandre. Ah oui, c'est marrant. Ben alors, Alexandre, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Non, fellation, ça s'écrit pas comme ça. Mais qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école, toi? Oui, ben c'est pas ici que t'apprends des mots comme ça, hein. Si, oui, c'est français. Joue pas au con avec moi, s'il te plaît, hein. Bon, puis alors, Stoder m'insupporte, un animal qui a dû crever sous la meuble, c'est pas possible. Toi, tu nous trouves un autre mot, s'il te plaît. Ça vous gêne pas, vous, Stoder? Ah, moi, carrément, ça m'agresse. Bon, alors. Sucre? Oui, t'as oublié le R. Bah, tu le rajoutes. Oui, on a vu, mot compte double, d'accord, on va pas le prendre en photo non plus. Bon, allez, à moi. J'ai pas eu beaucoup de chance jusqu'à présent. J'ai pas eu beaucoup de chance, hein. Bon, je change toutes mes lettres. Si, j'ai le droit. Vous allez pas m'apprendre les règles du Scrabble, vous. Je change mes lettres et je joue. Quoi? Si, je joue. Bah, pourquoi je passerai mon tour? Non, je suis pas obligé de passer mon tour. Non, non, non, c'est pas vrai, on n'est pas obligé de passer son tour quand on change ses lettres. Ça fait 20 ans que je joue au Scrabble, j'ai jamais passé mon tour quand je change mes lettres. Parce que... je... triche. Ça me fait beaucoup de peine ce que tu me dis là, Véro. Liliane, avec ton vaquer, tu la mets en veilleuse, hein? D'accord, je passe mon tour. À toi, ma fille. Peut-être que je triche. Mais en tout cas, moi, mon bac, je l'ai eu du premier coup. Ça n'a aucun rapport, c'est pour parler. J'ai horreur comme traite de tricheur, c'est tout. Mais c'est pas grave, vas-y, joue, joue, joue. Mais nous, on était mots barbares. Trinôme, ok. J'avertis tout de suite, on se fout complètement de savoir ce que ça veut dire. Alors, Liliane, dans la série J'invente des mots, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Typhon. Mais tu sais que ça existe, ça, Liliane? Mais c'est super, ça, Liliane. Puis avec des lettres comme ça, tu vas avoir plus de points que ton mari. Et je vais être le dernier. Mais je m'en fous, parce que comme je triche, je vais vite rattraper tout le monde, comprenez? C'est l'avantage du tricheur sur les joueurs honnêtes. Alors, Alexandre, ton nouveau mot, c'est quoi? Bite, nichon, couille. Ouais, oui, je suis mauvaise humeur, bébé. Si vous continuez à m'emmerder, je vais tout envoyer balader. Hein? Bah d'ailleurs, je ferme maintenant. Allez, hop, voilà. Oh, qu'il est joli le Scrabble. Voilà, bonne fin de dimanche à tous. Papa va à la pêche. Ah. Nous allons laisser Pierre Palmade aller à la pêche. En tout cas, il y en a un qui est prêt à ruer dans les brancards ici autour de la table. C'est Régis. Ça va, Régis? Ça te plaît, ce sketch? Ah bah il est très drôle, hein, pour les personnes, disons, qui ne connaissent peut-être pas très bien comment on joue au Scrabble aujourd'hui. Oui, mais encore. Bah, disons que, bon, si on veut simplement se focaliser sur le Scrabble proprement dit, indépendamment bien sûr des autres choses que dit Palmade, au Scrabble, disons, quand on est dans un club, on ne joue jamais comme on joue en famille, c'est-à-dire chacun son tour à 3 ou 4, avec chacun ses lettres. Oui, mais tu sais, finalement, ce sketch, il est vachement dangereux, parce qu'il est quand même crédible quelque part. Ah ben bien sûr, on se rappelle tous d'avoir joué un soir d'hiver, généralement, avec sa famille, sa petite sœur, son grand frère. Oui, tout le monde a fait ça, bien sûr. Alors, disons-le très fort mais vraiment très fort, le Scrabble que nous vivons, c'est pas ça du tout. Ah non, pas du tout, non. Bon, Palmade a décrit, en forçant un peu sur le trait de la caricature, a décrit une scène de Scrabble en famille. Alors, bien entendu, il existe le Scrabble en club, et pour les auditeurs qui ont le plaisir de nous écouter, eh bien, il y a des clubs qui sont affiliés à la Fédération Française de Scrabble. Ils sont tout à fait habilités à vous aider. Dans ces clubs, vous trouverez des gens, bien sûr, avec qui vous aurez des amitiés, et puis des nouvelles formules. On parlera notamment du Scrabble dupliquette. En 1972, un avocat belge qui s'appelait Hippolyte Wouters a eu l'idée. Il s'est dit, mais c'est pas vrai, c'est pas possible qu'il puisse y avoir une telle différence entre les lettres que quelqu'un pioche et les lettres que l'autre va piocher. Et puis, il y a celui qui prend bien son temps et celui qui l'a pas. Bon, bref, on va essayer de mettre une règle du jeu qui permette à chacun de jouer à tout moment avec les mêmes lettres, dans le même temps, et dans la même configuration de grille. Oh, c'est du chinois ce que je suis en train de dire, Régis. Alors, on va dire les choses beaucoup plus simplement. Le Scrabble dupliquette, on peut le jouer à 1, à 30, à 50, et il y a même des compétitions où on peut être plus de 1000. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Chaque joueur a son jeu. C'est-à-dire que si on est 30, eh bien, il y a 30 jeux. Chaque joueur a son jeu. Les lettres sont tournées face lisible. Et il n'y a qu'un sac, c'est l'arbitre qui l'a. Et c'est l'arbitre qui va tirer les lettres. Et il annonce aux participants les lettres à tirer. Par exemple, Algérie A, Belgique B. Oui, Canada C. Voilà. On commence toujours par le nom d'un pays pour pas qu'il y ait d'ambiguïté sur la lettre prononcée. Par exemple, entre le M, donc on dira Maroc M, et le N, on dira à ce moment-là Norvège N. Alors, tous les participants tirent les mêmes lettres, et ils ont le même temps, parce qu'il y a une sonnerie. Il y a un chrono, il y a une sonnerie, et au bout de 3 minutes, ils auront écrit sur un bulletin la solution qu'ils ont trouvée avec ces lettres-là, et ces papiers seront ensuite ramassés et convergeront vers des arbitres de ligne qui géreront les comptes des joueurs, qui valideront les mots s'ils sont bons, vérifieront les comptes, et sont eux qui élaboreront le classement. Voilà, je crois que j'ai compris. Donc, tout le monde a les mêmes lettres, on joue tous les coups, et on joue dans le même temps. Alors, au deuxième, ah oui, j'ai oublié de vous dire, une fois que le coup est terminé, l'arbitre annonce le coup qui a gagné le plus grand nombre de points, et tous les joueurs, sur leur grille, mettent ce mot à l'endroit où l'arbitre dit de le mettre. C'est-à-dire qu'à tout moment, la conformation de la grille sera la même pour chacun. Voilà, je ne sais pas si j'ai été assez clair. Oui, il faut juste préciser qu'il y a bien sûr un tableau, alors ça peut être un tableau manuel ou un tableau électronique, qui précise aux joueurs où se situe effectivement la solution qui a été retenue par l'arbitre, de façon à ce que personne, bien sûr, ne se trompe. Voilà, c'est une formule, Régis, que tu aurais sans doute inventée si ce n'avait été le cas. Oui, mais j'étais trop jeune. Bon, allez, interview, qui c'est celui-là? Qui c'est celle-là? On va commencer par Gérard. Gérard, présente-toi. Oui, bonjour. Alors, je suis Gérard, donc j'ai... Oui, Oh, pardon, oui, j'ai 68 ans. Hein. Oui. Voilà, donc je suis retraité depuis une dizaine d'années. Ah, quand même. Oui, oui, voilà. Et qu'est-ce que tu faisais quoi comme boulot? Alors, je ne sais pas s'il faut le dire, mais bon, je travaille dans une société, je travaillais dans une société nationale, la Société nationale des chemins de fer. Voilà, et j'étais responsable régional, je dirais, de l'entretien des voies ferrées de la région de Strasbourg. J'étais, parce que j'habite à proximité de la région de Strasbourg, une petite ville qui s'appelle Sarrebourg. D'accord. Voyez, qui est à mi-chemin entre Nancy et Strasbourg. Et tu es quand même licencié au club de Nancy? Oui, parce que je suis natif, du coin. Mes parents habitent Nancy, et donc j'ai fait toutes mes études à Nancy. Voilà, donc j'avais toujours j'adore Nancy, quoi. Gérard, j'ai une petite inquiétude. Rassure-nous tout de suite. Est-ce que tu étais chef de gare? Non, pas du tout. Non. Dis-nous ça très fort. Tu n'étais pas chef de gare. Ah, non. Alors, ça nous arrange. Disque suivant, c'est un disque de Jean Ferrat. Le chef de gare est amoureux. Quand il sort le matin de la gare, chacun sourit, chacun se marre. Quand il passe au milieu de la rue, chacun murmure, il est cocu. Chacun chantonne, il a des cornes, sa connerie n'a pas de borne. Chacun le croit dur de la feuille, chacun se met le doigt dans l'œil. Plaignez pas l'imbécile heureux, le chef de gare est amoureux. Chacun raconte à sa manière les safaris de sa panthère. Elle a la cuisse hospitalière, oui mais quand même elle exagère. Tout le monde est passé dessus, à part les trains bien entendu. Chacun décrit, chacun relate sa façon de lever la patte. Plaignez pas l'imbécile heureux, le chef de gare est amoureux. Chacun siffle la chansonnette, quand on aperçoit sa casquette, il est un peu bas du plafond, il a rien dans son pantalon. Cocu content, laissons-les dire, c'est la bêtise qui transpire, et de la bêtise, il s'en fout, laissons glouglouter les égouts. Plaignez pas l'imbécile heureux, le chef de gare est amoureux. Il n'a qu'une idée dans la tête, le train de 9h57, car tout son bonheur en descend, c'est une fille de 16 ans. Elle est charmante, elle est discrète, et c'est dans un wagon aux couchettes que tous les soirs les deux amants se font un petit appartement. Plaignez pas l'imbécile heureux, le chef de gare est amoureux. Interview, qui c'est celui-là? Régis, si tu veux bien te présenter. Oui, je suis donc Régis. Alors, je suis un petit peu plus jeune que Gérard, puisque j'ai 64 ans. Et moi, ça ne fait qu'une année que je suis en retraite. Parce que j'ai travaillé à l'éducation nationale, plus précisément à la faculté des sciences à Nancy-Vendeuvre. Oui. Oui. Et ben voilà, c'est tout, donc. C'est tout. Oh, ben alors, ça va être très vite. Allez, le disque suivant. Le professeur est un rêveur, Bernard Sauva. Je suivre, faites attention. Ce soir 5 heures à la radio. Ce soir je chante dans un studio. La crise s'envole, mais ce ne sont que les paroles d'une chanson. Le professeur est un rêveur, il ne faut pas le déranger. Le professeur est un rêveur, il ne faut pas nous le changer. Interview. Qui c'est celle-là? Lily, présente-toi. Bonjour, eh bien moi je suis Lily. Je ne vais pas vous dire mon âge, mais si vous vous souvenez bien, je suis juste derrière Régis. Mm-hmm. Donc si vous vous rappelez de l'âge de Régis, vous saurez le mien. Bon, rien que des vieux quoi. Voilà. Je suis maman d'une grande fille de 41 ans, ça donne l'âge aussi, et mamie d'un petit-fils de 10 ans. Voilà, je suis à la retraite depuis 4 ans. Un petit-fils de 10 ans qui aurait bien voulu être avec oui, nous. Oui, il aurait bien voulu. Bon, alors écoute, aujourd'hui on est beaucoup, mais si tu veux bien, moi je l'invite dans une prochaine émission. Ah bah c'est sympathique, voilà. Je lui dirai. Donc, je suis assez active, je pratique du vélo, de la rando, je fais de la généalogie, du Scrabble, et puis j'ai une activité au musée de médecine de Nancy, donc je suis hyper bookée. Oui. Et comme boulot, tu faisais quoi? Moi, j'étais à la base secrétaire médicale et j'ai été rapidement gestionnaire d'un service hospitalier. Oui. Et tu t'occupais des dents, non? Oui. Ah, le dentiste. Oui. Allez. Toute ma vie dans le dentiste. Le blues du dentiste. Henri Salvador. En dentaire, plutôt. Ce matin-là, en me levant, j'avais bien mal aux dents, oh là là. Sors de chez moi et je fonce en pleurant. Les anneaux médurants, oh oh. J'ai dentiste de son état et qui pourra m'arranger ça? La salle d'attente est bourrée de gens. Et pendant que j'attends, oh là là, sur un brancard passe un mec tout blanc, porté par deux massards. Je me lève déjà pour foutre le camp, mais l'infirmier crie. Debout devant le dentiste, je lui fais un sourire de crétin. Il pousse dans le fauteuil et crie en piste. Il a des tenailles à la main. Oh maman, j'ai les guibolles en fromage blanc. Avant même que j'ai pu faire ouf. Le club de Nancy, qui c'est qui s'y colle pour présenter un peu le club de Nancy? C'est pour qui? C'est où? C'est quand? Lily, allez! Eh bien, le club de Nancy se trouve rue Monseigneur Turinaz, à Nancy. C'est en haut de la rue Général Leclerc, sur la droite, une petite rue fort sympathique. Et c'est au foyer Leclerc. Tout de suite, dans cette rue, quand on prend la rue Général Leclerc, c'est le premier bâtiment à gauche. C'est quand? C'est le mardi à 14h, le jeudi à 14h et le jeudi soir à 20h. Puis il y a le samedi aussi à 14h. D'accord. Et qui est-ce qui peut venir? Tout le monde. Tout le monde. Donc, nous avons tous, j'en fais aussi partie moi de ce club. Les plus jeunes ou plus âgés. Bon, nous avons tous démarré, il y a toujours eu une première fois où on s'est pointé, on n'était pas pharaons, hein. On pensait qu'on était nul. On pensait qu'on était bon, puis on n'était pas tant que ça. Mais alors, la grande satisfaction, c'est que chacun de nous a pu progresser. Et ça, c'est une période euphorique, la période où on progresse. Son score par rapport à celui de l'ordinateur. Ben, quand on démarre, qu'on ne connaît rien au Scrabble, on arrive à faire un pourcentage de 25-30%. Alors là, on ne connaît que dalle. Hein. Et puis, quand vraiment on a acquis beaucoup de bouteilles et qu'on a beaucoup travaillé, car le Scrabble dont nous parlons, nous, c'est du sport cérébral. Mmh. Et les très grands joueurs, et nous en avons présents aujourd'hui, sont des gens quand même qui ont beaucoup investi de temps dans le boulot. Ils ont appris le vocabulaire. Ils ont passé souvent 3-4 heures par jour à travailler leur Scrabble. C'est pas rien. Allez, toute première fois, Jeanne Masse. Interview votre toute première fois. Ah ben on va commencer par toi, Lily, puisque tu as le micro. Alors dis-nous tout. Ta toute première fois. Ah ben on veut tout savoir, hein, Régis. Oui, bien sûr. Gérard, t'es d'accord? Oui, oui. Bon, alors, c'était où? C'était quand? C'était comment? Attends, est-ce que c'était bien? Alors, heureuse? Ah, vous êtes curieux, tous les trois. Eh bien non, ma première fois, ça sera toujours au Scrabble. J'avais pour l'habitude de jouer au Scrabble en famille avec le plateau tournant, comme dans le sketch de Pierre Palmade qu'on a entendu tout à l'heure. Et en janvier 1986, ma sœur m'appelle au téléphone et me dit « Tiens, je viens de lire dans un entrefilet du journal que le club de Nancy se déplaçait deux personnes pour faire une initiation au Scrabble dupliquette. » Donc c'était dans la ville voisine de là où nous habitions. Et finalement, nous y sommes allés. C'était un soir. Il y avait une dizaine de personnes qui s'étaient déplacées pour poursuivre cette rencontre. Alors Et alors, on s'installe, on se présente, on commence la partie. Et tout se passe relativement bien pour moi jusqu'au moment où l'on tire cette nouvelle lettre. A-F-G-I-N-O-S. Vous deux, vous avez déjà trouvé ce que ça peut faire. Et je vois donc qu'on peut former le mot Fangio. F-A-N-G-I-O. Avec le S pour faire un pluriel. Je remplis vite mon bulletin et je mets Fangio. Je renvoie et donc il y a une correction qui se fait. Et là, tout d'un coup, une personne féminine avec une voix sévère me dit « c'est pas bon ». Tout à fait, c'est Françoise. Bonjour Françoise Lenoir. Si elle nous entend dans les nuages, on pense à toi. On pense à toi. Et donc, moi un petit peu, j'étais toute... toute jeune dans le domaine, et puis pour me prendre un zéro devant tout le monde, comme ça, c'était pas très agréable. Alors je lui rétorque, mais on dit pourtant courir comme un Fangio. Et ma sœur me fait des gros yeux, parce que bon, on a une différence d'âge, ce qui fait qu'elle connaissait bien ce coureur, elle me fait des gros yeux. Et donc je me suis pris un zéro, donc j'étais pas contente, et puis après tout, je connaissais pas ce coureur automobile. Qui sait, Lily, si un jour tu n'aurais pas eu raison avant tout le monde, parce que la langue française évolue, oui, peut-être qu'un jour, Fangio deviendra un nom commun. Voilà, mais bon, ça, mon expérience dans ce domaine, finalement, ne m'a pas perturbée, puisque je suis, la semaine suivante, je me suis inscrite au club de Nancy, et j'y suis toujours. Gérard, ta première fois? Alors, ma première fois, moi, c'était, bizarrement, pas en club. J'ai découvert le, disons, à la base, il faut savoir que je suis j'étais fervent du jeu des chiffres et des lettres. Je suis un matheux d'origine et j'étais donc très bon en mathématiques. Mais alors, les lettres, je disais, j'avais des grosses lacunes en lettres. Alors, je dis, comment améliorer cette chose-là? Donc, j'ai dit, pourquoi pas faire un peu de Scrabble? Alors, j'ai découvert le Scrabble à Télé-Luxembourg, figurez-vous. Et je n'avais jamais, je ne faisais pas partie du club. Et j'ai participé à l'époque, il y avait, c'était du Scrabble dupliquette d'ailleurs, hein, sur 3-4 coups, et où on rencontrait des adversaires, et donc on avait le droit à passer 5 tours. Bon. Alors j'ai passé 3 tours quand même, figurez-vous, et le 4e tour, je suis tombé, parce qu'on voyait la liste des gens sur lesquels on allait jouer, et je suis tombé contre Robert Springer, vous le connaissez tous, qui est quand même une référence au niveau régional. Et voilà, et donc c'était ma toute première fois, on va dire, voilà, je l'ai découvert à Télé-Luxembourg. Le jeu m'a plu et donc après j'ai rejoint le club. À l'époque j'habitais donc Sarrebourg et donc j'ai rejoint le club de Sarrebourg. Donc bravo. Pour essayer de m'améliorer quoi, surtout en lettres. Hein, et depuis j'ai perdu beaucoup en chiffres. Alors, c'est pour ça que je prends beaucoup d'avertissements, tu vois. J'ai toujours peur des 3 avertissements parce que je fais beaucoup d'erreurs en mathématiques. Régis, ta première fois? Bah, ma toute première fois, ça ressemble un petit peu à aujourd'hui, puisque c'était grâce à une radio qui n'existe plus aujourd'hui. Mais on peut la citer. On peut la citer, bien sûr. C'est Radio Frisson. Alors Frisson, bien sûr, il y a un petit jeu de mots, puisque ça s'écrit FR2E, et plus loin, le son SON, bien sûr. Et le nom de l'émission, c'était Scrabble Parade. Oui, bah tu me le rappelles, c'est très bien. Et à l'époque, eh bien, on jouait au téléphone, disons. Il n'y avait pas, bien sûr, encore les moyens de communication de maintenant. Il fallait donc appeler la station. Et moi, je me souviens d'avoir proposé un mot. Alors, c'était un mot compliqué qui s'était ébénacé. Ça me disait quelque chose. Et je m'en souviens, Régis, comme si c'était voilà, hier. Voilà, et donc, j'ai proposé ébénacé. Donc, E-B-E-N-A-C-E. Et Daniel, je crois que c'est Daniel, si je me souviens bien, hein, tu étais à l'autre bout et tu étais vraiment désolé pour moi. Oui. Hein, tu étais désolé pour moi parce que, en fait, Daniel. Oui. Oui, tu te rappelles? Oui. En fait, ébénacé, c'est une plante. Oui. Donc, en fait, ce n'est bon qu'avec 2 œufs. Donc, ça existe bien, mais ça s'écrit C-E-E, la fin. Donc, il faut 2 œufs obligatoirement. Et donc, malheureusement, moi, j'avais 0. Parce que... Alors, Régis a ensuite rejoint le club de Scrabble de Nancy. Oui. On l'a vu progresser à vue d'œil, l'animal. Doucement, parce que. À vue d'œil. Et quelques temps après, il a intégré l'équipe d'animation de l'émission. The Scrabble Parade, et entre autres, c'était le champion dans le rôle de seul contre tout, seul contre tous. Donc, il était au studio, on le privait de tout document, et il avait face à lui, en direct, les auditeurs qui appelaient et qui essayaient, avec le même tirage, de faire plus de points que lui. Il gagnait souvent, mais il a quelques fois perdu. Oui, et là, j'étais pas content. Hein. Allez, de ville en ville, les compagnons de la chanson. Ils sont heureux par ce qu'ils voient, des amoureux venus par mille, pour se chavirer le cœur avec des airs connus par cœur. Et jour après jour, emportés par un flot de chansons, le sud et le nord les ont vu repousser l'horizon. Et dans l'hiver d'un vieux ciné où leur guitare fait escale, quand ils voient se rapprocher deux amoureux bien enlacés, ils sont heureux comme des rois et remercient la bonne étoile qui leur a mis dans le cœur des mots qui parlent de bonheur. Et jour après jour, emportés par un flot de chansons, le sud et le nord les ont vu repousser l'horizon. Souvenirs. Ils reverront le bon vieux temps quand ils allaient de ville en ville, quand ils vivaient leurs beaux jours en s'en allant chanter l'amour. le micro. Est-ce que tu peux nous présenter le Scrabble à l'échelon national et international? Oui, ben le Scrabble, bien sûr, ça concerne évidemment la France, puisque on parle du Scrabble, bien sûr, francophone, mais par définition, ça concerne aussi beaucoup d'autres pays, donc francophones, et même pas forcément, puisque, par exemple, la Roumanie joue également au Scrabble francophone. Voilà, donc, pour la France, on peut dire qu'il y a un certain nombre de clubs, je crois que c'est environ 700 clubs, donc on l'appelle civil, c'est-à-dire pour tout un chacun, en sachant qu'également des clubs réservés aux jeunes, qu'on appelle donc des clubs scolaires, il y en a environ 300 dans toute la France. Et dans les pays jouant au Scrabble, affiliés à la Fédération française, il y en a combien à peu près ? Tu parles des pays là, Daniel, c'est ça ? Oui. Alors, c'est pas affilié à la fédération. Ils ont chacune en fait leur propre fédération, donc essentiellement des pays d'Afrique francophone, disons. Hein. On peut citer par exemple le Cameroun, le Bénin, le Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, etc. Il y en a un certain nombre. Bon, il y en a 27 en tout. Hein. Voilà, on va peut-être pas tous les dire. Il faut savoir également qu'il y a du Scrabble, une fédération donc constituée au Québec, par exemple. La Roumanie, je l'ai citée. Il y en a même une au Royaume-Uni. Ah, puisqu'il y a des Français expatriés, bien sûr, en Suisse, en Belgique, évidemment, ouais. En Wallonie, voilà, donc bon, pas mal de pays. C'est pas mal. Qu'est-ce que je veux dire ? Les épreuves qu'on peut jouer au Scrabble, parce qu'on est toujours hein, dans le Scrabble sport cérébral. Bah, grâce à la formule donc que tu as bien décrite tout à l'heure, le Scrabble donc dupliquette, on peut jouer en fait non seulement effectivement à de très nombreux joueurs à un endroit donné, mais on peut même jouer en simultané en différents endroits en France et même par le monde, ce qu'on appelle des simultanés. Donc ça se fait avec des milliers de joueurs et donc il y a différentes épreuves au niveau mondial ou au niveau national qui se font en simultané qui permettent bien sûr de se mesurer à un très grand nombre de joueurs. Alors, des épreuves locales, des épreuves départementales, des épreuves régionales, des épreuves nationales et des épreuves internationales. Oui, tout à fait. Oui, il y a tous les niveaux. Bien sûr, on commence évidemment au niveau du club local. Et puis après, ben, si on progresse et si on aime ça, bien sûr, on passe au niveau départemental, régional et voire national. Souvenir, Johnny Hallyday. Interview, l'extase, souvenir et palmarès, s'il y en a. Allez, qu'est-ce qui s'y colle, qu'est-ce qui commence ? Lily ! Alors mon souvenir, moi c'est toujours pour mon engouement du Scrabble, on était une bonne équipe à partir pour Pontarlier pour un tournoi sur 3 jours, enfin ça devait être le vendredi, on est parti le vendredi après-midi et c'était le samedi et le dimanche, et on était à Montpetau, on était logé à Montpetau, c'est près de la Cluse et Mijoux, c'est un endroit merveilleux, et donc nous avions le tournoi le lendemain, et on était parti en l'occurrence en voiture. On avait prévu de faire une cassette enregistrée. Donc vous étiez en voiture. On était en voiture. On était 4 en voiture et j'avais enregistré une cassette avec tous les mots nouveaux de l'ODS, le nouvel ODS qui sortait. On va parler de tout ça. Oui. Donc, tu avais appris tous les nouveaux mots. Non, non. On n'avait pas appris encore. J'avais mis sur une cassette audio que j'ai passée dans la voiture. Oui. Tout le trajet pour aller à Pourtalier. Et finalement, tu as saoulé tout le monde, quoi. Oh, ben, c'est-à-dire qu'on a farci la tête de ceux qui étaient à l'arrière, plutôt, parce que c'était toujours le même ton, c'était répétitif. Et, puis, on s'exclamait, avec ma voisine, on s'exclamait sur les nouveaux mots qu'on ne connaissait pas ou des mots tout à fait qui. Pas plausible. Mais... Pontarlier, un tournoi qui fait partie des classiques. Hein. Moi, j'aimais bien faire le tournoi de Pontarlier. On y croisait régulièrement Bernard Blier. Bernard Blier, les tontons flingueurs, vous savez. Il avait épousé une fille de là-bas, Annette. Et elle ne devait pas aimer faire la cuisine parce que chaque fois qu'on allait au resto, il était là aussi pour casser la croûte. Bernard Blier. Bon, souvenir, Gérard. Le meilleur souvenir, on va dire, c'est un solo que j'ai pu faire lors d'une partie originale au tournoi international de Cannes. Donc, honnêtement, donc c'est un bon souvenir parce que un solo, ça devant 300 personnes, ça alors, n'arrive pas un souvent. Un solo, c'est quand un joueur tout seul marque plus de points sur la solution que tous les autres. Voilà, ouais. C'est ça un solo. Ça, et je me souviens encore du mot. Oui. C'était moi qui adore, je suis donc, mon nom est Kulik, donc vous voyez, il y a deux K dans le nom. Oui. Et donc c'était sur Alkermes, donc A-L-K-E-R-M-E-S. Bravo Gérard. Voilà, donc c'était un Scrabble en quadruple, je me rappelle toujours. Voilà, et c'est un bon souvenir. Et c'était à Cannes, je reviens sur... À Cannes, oui. Je reviens près de Lily, qui nous parlait des nouveaux mots. Alors, vous savez, avant, les Scrabbleurs étaient tributaires du Petit Larousse Illustré. Et chaque année, le Petit Larousse Illustré sort un nouveau dictionnaire avec de nouveaux mots, parce que la langue française évolue, bien sûr. Ce qui fait que les Scrabbleurs, chaque année, devaient acheter un dictionnaire de Larousse de l'année en cours, qui devenait obsolète et qu'on pouvait remiser l'année d'après. Alors, la Fédération, on a eu l'idée de faire un dictionnaire qui reprendrait en synthèse le dictionnaire Larousse, le dictionnaire Robert et Lachette. On ferait la synthèse de tous les mots qui sont dedans et il serait valable pendant 4 ans dans un ouvrage qui s'appelle L'Officiel du Scrabble. Régis. Oui. Meilleur souvenir. Meilleur souvenir, bah c'est parce que c'est le mot souvenir, ça remonte à très loin puisque c'est au fait au début de ma carrière entre guillemets de Scrabbleur, c'est-à-dire en 1983, si je me trompe pas, j'espère ne pas me tromper, c'était un événement que tu avais lancé pour bien sûr faire parler du Scrabble et du club de Nancy. C'était un record du monde, mais un record du monde de durée. Donc il fallait jouer pendant un certain... 27 heures. 27 heures, exactement, oui. En plein air, place carrière. Voilà, j'allais le dire, en plein air, place carrière. Donc c'est pour montrer simplement que le scrap, c'est pas forcément au fond de son appartement ou de sa petite chambrette. Ça peut se faire aussi en spectacle. Et c'était une des premières manifestations vraiment spectaculaires. Et je crois que la plupart des journaux locaux, voire même plus, s'étaient intéressés. Tu avais donné beaucoup de ton temps et de ton énergie, Daniel, je me rappelle. Et il y avait une vingtaine de très bons joueurs qui venaient de tous les coins de la France et même je crois de l'étranger si je me souviens bien et je me souviens même du premier mot qui avait été joué de ces 27 heures, c'était le mot Niolo. Voilà, qui est un fromage corse hein, si je me souviens bien. Et je me souviens également que j'avais eu la chance d'être devant toi pendant toutes les 27 heures et que tu m'avais repassé dans la dernière demi-heure et donc tu as eu le plaisir de me battre à ce moment-là. Plaisir que j'ai savouré. Mais dites donc les gars là, Gérard, Régis, vous êtes des sacrés cachotiers. Parce qu'on va quand même dire que si vous êtes là, c'est quand même parce qu'il y a une raison bien particulière. Allez, qu'est-ce qui nous dit la raison ? Gérard, vas-y. Ben voilà, nous avons réussi à gagner donc, le titre de champion du monde en paire, donc catégorie vermeille, on va dire. Oui. Donc au dernier championnat du monde à La Rochelle. Et c'est ça y a, c'était au mois de juillet. C'était au mois de juillet, fin juillet, ouais. Oui. Voilà, donc un excellent, on va dire, bon, en souvenir, comme dit Régis, pour moi, mon meilleur souvenir, bien sûr, c'est celui-là. Hein, ouais. Et en plus, avec un ami, donc, voilà, c'est encore, voilà, c'est quelque chose qui restera gravé dans ma mémoire. Donc nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui à Fagette ces nouveaux champions du monde en paire par équipe de deux, de Scrabble du Piquet, qui avait lieu cette année en France à La Rochelle. L'année prochaine, ça sera en Côte d'Ivoire. Oui, oui. À Abidjan. Abidjan, oui. Alors, il va falloir que hein, vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir remettre ça. Hein, allez, allez, allez. Magic. Feel the magic in the air. Aïe, aïe, aïe. Levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Alors, avant que vous nous racontiez, Gérard et Régis, ce championnat du monde en ce qui vous concerne, Régis va lancer un défi aux auditeurs de Fagette, et les auditeurs de Fagette pourront donner leur réponse. Ils pourront répondre sur la page Facebook de l'émission La Cerise sur le Canto, Patchwork. Alors Régis, vas-y. Oui, ben ça me rappelait donc il y a 35 ans, je faisais aussi à l'époque ce genre de petits jeux, si vous voulez, en fait c'est une simple devinette. Ah, des jeux avec un règlement tellement compliqué, qu'au départ on avait peur, on se dit mais il n'y a pas un auditeur qui va appeler. Penses-tu, on a été obligé de mettre trois téléphones optiques, il n'y avait plus de sonnerie, et il y avait trois standardistes pour prendre les appels. Ils avaient tous compris ton règlement, Régis. Il n'y a que nous qui n'avons pas compris. Oui, les auditeurs sont merveilleux, on le dit tous les jours. Non, là, c'est une simple devinette. Nous sommes ici donc à Radio Fagette. Alors, je pense que tout le monde sait comment ça s'écrit. Hein. Je le vois ici au tableau, enfin au mur. F-A-J-E-T. Donc, ce sont 5 lettres. Et vous savez qu'au Scrabble, on joue avec 7 lettres. Donc, on pourrait très bien avoir un tirage donc, constitué du mot Fagette et de jokers en plus, des lettres jokers. Ça fait 7 lettres. Et en fait, je vous propose tout simplement, avec les mots donc, de Fagette, eh bien, de trouver le mot de la langue française qui contient ces 5 lettres, plus bien sûr d'autres lettres, le mot le plus court possible. Alors, je vais vous donner un petit indice. C'est un mot de 8 lettres qu'il faut donc trouver, mais qui contient donc les lettres du mot Fagette. Est-ce que c'est un verbe conjugué? Alors, ce n'est pas un verbe conjugué. Il y a une possibilité effectivement de former un verbe conjugué, mais on va l'exclure du jeu pour des questions simplement de facilité. Je dirais que c'est un mot, donc un mot commun. Ce n'est pas un nom. C'est autre chose. Ce n'est pas un adverbe non plus, c'est autre chose, voilà. Bon, alors voilà, ben, on n'a toujours rien compris. Mais enfin, les auditeurs, soyez nombreux à donner votre réponse sur la page Facebook, la cerise sur le canto. Retour à la compétition, cette compétition où vous avez acquis ce titre durement. Une première partie. Alors d'abord, combien de parties? Eh bien, on a joué en tout... Enfin, dans un premier temps, on a joué 4 parties, donc, comme l'ensemble des participants. C'est-à-dire, on était environ, je crois, 300, quelque chose comme ça. Et à l'issue des 4 premières manches, eh bien, on devait se qualifier, donc, pour la phase finale qui comprenait 2 parties supplémentaires. Et nous, étant dans la catégorie dite aînée, c'est-à-dire les vermeils, autrement dit les personnes de plus de 60 ans, disons, eh bien, on a donc eu la chance de se qualifier dans les 5 premières paires. Donc, on faisait partie des 5 premières paires. Donc, de ce fait, on était qualifié pour la finale. Donc, 6 parties. 6 parties en tout, oui. 4 plus 2. 6 parties en temps rapide. Alors, en temps rapide, c'est-à-dire que les 4 premières manches se sont jouées en 2 minutes. Et les 2 dernières, ce qu'on appelle en blitz, c'est-à-dire une seule minute. Alors, c'est par coup, bien entendu, hein. C'est pas la partie oui, complète. Évidemment. Non, c'est hein, par coup, bien sûr. Alors, c'est une compétition qui a vite tourné à un match à 3 paires franco-françaises, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. 3 paires de 2 joueurs français chacune, avec de très bons joueurs comme adversaires. Je citerai Guy Delors, qui a été de nombreuses fois champion de France, champion du monde en catégorie vermeil. Et ainsi que, donc, il y avait aussi Michel Puchot, qui est un ancien scrabbleur de la première heure, mais qui est toujours très bon. Il y avait aussi Robert Springer, qu'on a cité tout à l'heure, qui faisait également partie des 5 premières paires. Et il y avait également Michel Montesinos, qui est très connu du grand public, parce que pendant un certain temps, c'est elle qui a été détentrice du record de gains à une émission de télévision qui était animée par le mec qui faisait la météo. Oui. Sébastien Follin, et qui s'appelait Harry. Michel Montesinos, c'est elle qui avait le record des gains, et elle était effectivement dans ses 3 paires. Une première partie décevante, il faut bien le dire, même si c'est pas bon, c'est pas mauvais, mais par rapport aux autres, c'était pas bon, quoi. Eh bien, on a loupé ce qu'on appelle un scrap, c'est-à-dire donc un mot qui avec une prime de 50 points, et ce qui nous a bien sûr fait reculer, là que nous n'étions pas qualifiés à ce moment-là. Oui. Donc, largué? Donc, provisoirement. Et il a fallu revenir, et c'est au cours de la 5e partie que vous avez rattrapé le retard. Oui, on a eu la chance de trouver un scrap que nos quatre paires adversaires n'ont pas trouvé, et donc ce qui nous a fait basculer en tête de quelques points à ce moment-là. Alors, après la 6e partie, moi j'ai pris des notes, hein, la paire Delors-Montesinos totalise 5313 points. Bon, des 3, c'est la 3e. Et la paire Puchot-Rimbaud, 5322 points. C'est ceux qui arrivent directement avec vous. Et vous, 5223 points. 323 points. 323 points. Les gars, si je compte bien, entre 323 points et 5323 points et 5322 points, ça fait une différence de 1 point. Oui, un point c'est tout, un point c'est suffisant. Alors, à quoi ça tient un titre de champion du monde sur 5000 points, 1 point? Allez, 1 point c'est toi. Histoire de voir où nous en sommes. Et c'est ainsi que s'achève la cerise sur le canto numéro 31, consacré à la chanson française de tous les temps, et au cours de laquelle nous avons eu l'honneur et le plaisir d'accueillir les Scrabbleurs nancéens, et plus précisément les nouveaux champions du monde en paire Gérard Kulik et Régis Marzac, et la charmante Lily du Club de Nancy. Merci à Yves pour la réalisation technique, merci à Kazé, et merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés. Pas de tiercé des chansons cette semaine. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission en vous rendant sur le site de Radio Fagette dès que Radio Fagette sera en service. À part ça, la prochaine cerise sur le canto, c'est dans 15 jours. Mais nous serons quand même avec vous dimanche prochain pour vous présenter Patchwork à l'écoute du monde. Au revoir Lily, au revoir Gérard, au revoir Régis. Bonne chance à tous les trois. En attendant, soyez heureux et branchés sur Radio Fagette Nancy 94.2 pour les Lorrains et sur le net fagette.net pour les autres Européens. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.